Ma mort. De mes pensées, confidente chérie, toi dont les chants faciles et flatteurs viennent parfois suspendre les douleurs, dont les amours ont parsemé ma vie, lyre fidèle, où mes doigts paresseux trouvent sans art des sons mélodieux, prends aujourd'hui ta voix la plus touchante et parle-moi de ma maîtresse absente. Belle Aglaé, pourvu que dans tes bras de mes accords j'amuse ton oreille, et qu'animé par le jus de la treille, en les chantant, je baise tes appas. Si tes regards, dans un tendre délire, sur ton ami tombent languissamment, à mes accents, si tu daignes sourire, si tu fais plus, et si mon humble lyre sur tes genoux repose mollement, qu'importe à moi le reste de la terre? Des beaux esprits, qu'importe la rumeur, et du public la sentence sévère? Je suis amant, et je ne suis point auteur. Je ne veux point d'une gloire pénible. Trop de clarté fait peur au doux plaisir. Je ne suis rien, et ma muse paisible brave en riant son siècle et l'avenir. Je n'irai pas sacrifier ma vie au fol espoir de vivre après ma mort. Belle Aglaé, lorsque la main du sort viendra fermer ma paupière affaiblie, lorsque tes bras, entourant ton ami, soulageront sa tête languissante, et que ses yeux, soulevés à demi, seront remplis d'une flamme mourante, lorsque mes mains tâcheront d'essuyer tes yeux fixés sur ma paisible couche, et que mon cœur, s'échappant sur ma bouche, de tes baisers recevra le dernier, je ne veux point qu'une pompe indiscrète vienne trahir ma douce obscurité, ni qu'un airain à grand bruit agité annonce à tous le convoi qui s'apprête. Dans mon asile, heureux et méconnu, indifférent au reste de la terre, de mes plaisirs je lui fais un mystère. Je veux mourir comme j'aurais vécu. Peut-être alors tu répandras des larmes. Oui, tes beaux yeux se rempliront de pleurs. Je te connois. Malgré tes rigueurs, dans mon amour tu trouves quelque charme. Peut-être, hélas, vous gémirez aussi, belle Euphrosyne. Et toi que j'aime encore plus que jamais, ingrate Éléonore, premier objet que mon cœur a choisi. Lorsque la mort aura coupé la trame de ces moments qu'elle rendit heureux, lorsqu'un tombeau triste et silencieux renfermera ma douleur et ma flamme, ô mes amis, vous que j'aurais perdu, allez trouver cette beauté cruelle, et dites-lui, c'en est fait, il n'est plus. Bientôt, du ciel, la justice éternelle me vengera. Mais non, Dieu des amours, je lui pardonne. Ajoutez à ces jours les jours heureux que m'ôta l'infidèle.